Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 mai 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. La 51e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale commence lundi prochain. Ce comité devrait aborder la question des relations entre le Burundi et le Rwanda. Manque d'eau dans les quartiers du nord et du sud de la capitale Bujumbura. Vous entendrez les habitants de ces localités. En actualité africaine, le chef de l'armée de terre nigériane Ibrahim Attahiru, 54 ans, est mort ce vendredi dans le crash d'un appareil de l'armée de l'air à proximité de l'aéroport de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Il s'y rendait pour une mission officielle. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Des initiatives de normalisation des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda sont en cours. Annonce faite par le secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures et de la coopération au développement ce vendredi lors d'une déclaration des préparatifs de la 51e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Et cette réunion est prévue à partir de lundi prochain. Isidore Nirameba précise que ces deux pays appartiennent aux mêmes communautés qui attendent des résultats de ces initiatives. Je vous propose de le suivre. Ces propos ont été recueillis par Moïse Misago. Vous savez que les deux États et leurs peuples ont des liens historiques. Historiques tellement que ce genre de situation n'avantage personne. Oui, il y a eu des soucis de part et d'autre, surtout à partir de 2015. Mais des efforts sont en cours et l'engagement politique de part et d'autre sont très prononcés. Vous avez suivi la rencontre des ministres des Affaires étrangères et de la coopération des deux pays qui a eu lieu à la frontière commune à Gasenyimba. C'était une rencontre très très importante dans le cadre du rapprochement, dans le cadre du réchauffement des relations entre les deux pays. À partir de la rencontre des patrons de la diplomatie des deux pays, plusieurs initiatives ont suivi. Il y a des efforts qui continuent entre nos deux pays. J'ose espérer que ces efforts ne vont pas faire une marche en arrière. En ce qui concerne le Rwanda, oui, de part et d'autre, il y a des réclamations. Des réclamations qui peuvent être fondées ou non fondées, qui peuvent être vérifiées ou non vérifiées. Le Burundi et le Rwanda, nous sommes tous membres de la communauté économique de l'Afrique centrale, de ce comité même qui nous réunit aujourd'hui, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de l'Union africaine, du COMESA, de la grande famille des Nations Unies. Et donc, toutes ces organisations attendent le résultat quand même de cette approche de normalisation des relations. Parce que comme résultat, on aura des investissements directs étrangers et du coup, on verra des changements sur notre économie et on verra en général le changement de la vie des populations. Isidore Nirameba, c'est le secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures et de la coopération au développement. Et le Conseil des ministres, tenu mercredi de la semaine en cours, a adopté deux projets d'appui au développement durable des chaînes de valeur de l'agriculture. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été recommandé une cartographie nationale indiquant les zones d'intervention de différents projets. Suivez Prosper Nhorgwamiye, il est secrétaire général de l'État, dans cet extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Le projet d'appui au développement durable des chaînes de valeur de l'agriculture et de l'élevage au Burundi, financé par le groupe de la Banque africaine de développement, interviendra dans les provinces d'Ngozi, Kirundo et Muyinga. Son objectif général est de contribuer durablement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'augmentation des revenus des populations. Les interventions du projet seront essentiellement concentrées sur un nombre limité de chaînes de valeur, riz, maïs, caprin, porcin et poisson, identifiés par les bénéficiaires. Le financement du projet porte sur un montant équivalent à 20 millions de dollars américains. Quant au projet d'intensification de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité au Burundi, il a été lancé en décembre 2019, en collaboration avec le Fonds international de développement agricole, FIDA. Le projet de l'OFID, Fonds pour le développement international, d'un montant de 20 millions de dollars américains, vient compléter les ressources nécessaires à l'exécution du projet. L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales des provinces dans lesquelles le projet intervient, à savoir Gitega, Karusi, Kayanza, Ngozi et Muyinga. Les activités qui seront couvertes par ce financement sont la protection des bassins versants, l'aménagement des marais, l'irrigation des collines, la construction des hangars de stockage, la réhabilitation des pistes de désenclavement. Après échange et débat, le Conseil des ministres a adopté les deux projets avec la recommandation d'accélérer leur finalisation pour permettre leur mise en œuvre rapide. Il a été également recommandé d'élaborer une cartographie nationale indiquant les zones d'intervention des différents projets pour permettre une bonne répartition géographique. Cette cartographie devrait être disponible avant le début de l'exécution budgétaire 2021-2022. Il faudra enfin éviter que des projets soient concentrés dans une même entité. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Manque d'eau potable dans les quartiers Mirangode de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura depuis deux semaines. Certains habitants de cette localité qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent qu'ils peuvent passer deux à trois jours sans eau. Selon eux, des conséquences commencent à se manifester. Ils demandent aux autorités habilitées d'agir. Nous avons des problèmes liés au manque d'eau au quartier Milango 2. Ayant environ deux semaines sans avoir d'eau potable, c'est difficile. Ça peut prendre une heure de temps à la recherche de l'eau à Gatungulu. C'est loin de notre maison. C'est impossible de faire la lessive, l'hygiène, la cuisine avec de l'eau que nous puisons à cette source. Nous demandons à la régie des eaux de trouver solution. Franchement, le problème lié au manque d'eau est devenu insupportable. Nous faisons une longue distance à la recherche de l'eau potable. Vous comprenez que certaines activités comme la lessive, l'hygiène ne peuvent pas être réalisées comme il faut. C'est un problème. Au quartier Milango 2, nous pouvons passer de 2 à 3 jours sans avoir de l'eau. Nous faisons des mouvements ici et là en cherchant de l'eau. Ceux de Milango 2 viennent s'en approvisionner à Gatungulu. Mais là aussi, nous y rencontrons une longue file d'attente. On fait recours à l'eau depuis qu'on a creusé dans certains ménages, alors que cette eau est souillée. Nous risquons des maladies liées au manque d'hygiène à cause de cette eau, parce qu'il y a ceux qui l'utilisent pour préparer de la nourriture ou bien ils le boivent ainsi. Nous puissons de l'eau très loin, ça prend environ deux heures de marche et nous faisons une longue file d'attente. Les habits de nos enfants ne sont plus lavés, les assiettes également. Trois semaines passent sans qu'il y ait de l'eau dans nos robinets. Nous risquons des maladies liées au manque d'hygiène. C'était le micro-trottoir de Lidiga Himbari. Ce manque d'eau qui s'observe au nord de la capitale Bujumbura est également signalé au sud de ces dernières, dans le quartier Nyabugete de la zone Kanyosha, où quatre jours viennent de passer sans eau potable. L'on n'a pas encore pu avoir la réaction de la direction de l'eau à la régie des eaux. Il est 13h06 à Bujumbura. Éducation à présent. Les enseignants du poste fondamental doivent indiquer dans leur préparation la scénarisation de chaque ressource selon la nouvelle approche pédagogique. La remarque a été faite ce vendredi au lycée communal de Muyinga, où une équipe d'inspecteurs a clôturé une semaine de visite dans différents établissements scolaires de la province de Muyinga. Les enseignants trouvent l'approche bonne, mais difficile, pouvant même occasionner des retards dans l'avancement des programmes. Les détails avec notre correspondant Pierre Claver Barundi. Les enseignants du poste fondamental doivent désormais montrer dans leur préparation la scénarisation des leçons selon la nouvelle approche centrée sur l'apprenant. Cela a été annoncé ce vendredi au lycée communal de Muyinga par Judith Manario, qui était à la tête d'une délégation d'inspecteurs qui a visité différents établissements scolaires de la province de Muyinga. Selon ces inspecteurs, les leçons sont d'une manière générale bien dispensées, mais les préparations des enseignants ne diffèrent en rien des cahiers de notes faute des élèves. Il recommande à ses éducateurs de montrer dans leur préparation les tâches des élèves prouvant leur participation dans la construction des apprentissages. Quant aux enseignants qui se sont exprimés, ils trouvent que l'approche est bonne, mais qu'elle risque de les freiner dans l'avancement des programmes. D'après eux, c'est facile en théorie, mais la pratique s'avère difficile. Teklaver Barundi Muyinga, Radio Isanganiro. Et le programme d'éducation financière dans les écoles fondamentales du Burundi permettra aux élèves de savoir comment dans l'avenir planifier leurs projets de développement. Propos de Frédéric Bangirinama, secrétaire permanent au ministère de l'Éducation, qui appelle les éducateurs à appuyer ce programme. Il signale qu'il ne vient pas pour perturber les autres cours dispensés, mais pour approfondir le cours d'entrepreneuriat. Il l'a dit ce vendredi lors du lancement des clubs d'éducation financière dans les écoles fondamentales du Burundi. Et cette activité avait été organisée par le réseau des institutions de microfinance RIM. Suivez-le. Ce n'est pas un cours qui vient s'ajouter au site domaine de l'école fondamentale. Par contre, c'est une occasion qui permettra aux élèves de se mettre ensemble dans un petit club qui se pratique à la fin des cours pour les différentes écoles. Il y a d'autres clubs qui existent déjà, les clubs de l'environnement, les clubs de santé et de production. C'est un club alors qui vient s'ajouter aux autres et qui sera organisé dans les activités parascolaires. À la fin des cours, les élèves pourront se regrouper pour essayer d'échanger, mettre en pratique le contenu du cours d'entrepreneuriat en ce qui concerne l'inclusion financière. En fait, les apprenants n'ont pas assez d'argent pour épargner, mais la base, c'est d'avoir cette culture d'épargne, c'est la première chose. Avoir cette culture également, d'oser demander un crédit. Regardez dans notre tradition burundaise, on peut avoir de bons rêves, mais avoir peur, d'oser prendre un crédit et réaliser de grandes choses. Donc, en ayant cette culture d'épargne, cette culture de contracter un crédit, cela permettra à ce que notre jeunesse, lorsqu'ils deviendront adultes, pourront affronter de grands projet et développer notre pays. C'était le professeur Frédéric Bangirinama. Il est secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Actualité internationale. Le chef de l'armée de terre nigériane, Ibrahim Attahiru, 54 ans, est mort ce vendredi dans le crash d'un appareil de l'armée de l'air à proximité de l'aéroport de Kaduna dans le nord-ouest du pays. Ce drame aurait coûté la vie à 11 autres personnes, d'autres militaires de son entourage. Le lieutenant général avait pris ses fonctions récemment à la fin du mois de janvier lorsque le président Muhammadu Buhari avait été contraint de remplacer entièrement son état-major. La disparition du lieutenant général Ibrahim Attahiru, 4 mois après sa nomination, est un coup dur pour l'armée dans un contexte sécuritaire extrêmement dégradé au Nigeria. De violents combats seraient actuellement en cours dans la forêt de Sambisa entre les djihadistes affiliés au groupe État islamique et les combattants de Boko Haram. Le chef historique du groupe terroriste Aboubakar Shekau a été grièvement blessé mercredi et beaucoup le disent déjà mort. Et le Fonds monétaire international FMI propose un plan de 50 milliards de dollars pour mettre fin à la pandémie de coronavirus et renouer avec la croissance mondiale. C'est ce qu'a annoncé Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, à l'occasion du sommet mondial virtuel de la santé qui s'est ouvert ce vendredi à Rome dans le cadre du G20. L'objectif du FMI est de faire vacciner au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année et 60% au premier semestre 2022. Malgré la mise en place du programme COVAX soutenu par les Nations Unies, seulement 2% de la population africaine est vaccinée, alors que plus d'un tiers de la population des pays riches a déjà reçu une première dose de vaccin anti-Covid. Voilà, il est 13h11 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. La 51e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale commence lundi prochain. Ce comité devrait aborder la question des relations entre le Burundi et le Rwanda. Manque d'eau dans les quartiers du nord et du sud de la capitale Bujumbura. Vous avez suivi le coup de gueule des habitants de ces localités en actualité africaine, je viens de le dire. Le chef de l'armée de terre nigériane Ibrahim Attahiru, 54 ans, est mort ce vendredi dans le crash d'un appareil de l'armée de l'air à proximité de l'aéroport de Kaduna dans le nord-ouest du pays. Là, nous sommes au Nigeria. Voilà pour le rappel des grands titres et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana qui est toujours de l'autre côté de la baie vitrée. Au micro, c'est toujours Jean Bosco Ndouimana. Tout de suite, Elie Nibel Nibigira me rejoint pour le journal des journaux et là j'ai nommé la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Sindimo Egachati, on s'est aimé comme on se quitte, titre en une de sa parution, l'hebdomadaire Iwachu. C'est pour parler des divisions qui se creusent au sein de l'UPRONA, le parti qui a conduit le Burundi à l'indépendance. Deux camps se regardent en chien de faïence, le clan Gachati veut exclure la tribu Sindimo pour avoir fait campagne pour un autre parti lors du scrutin de 2020, rapporte le journal Iwachu. Cependant, le camp de l'ancien premier vice-président de la République balaie du revers de la main ses allégations. Il accuse par contre, dans les colonnes d'Iwachu, les instances actuelles de Kumugumia d'abus de pouvoir et de détournement de fonds. La politique a ses raisons que la logique ignore. Elle est faite des alliances, des séparations et des retrouvailles, selon une citation reprise par l'éditorialiste d'Iwachu. Iwachu trouve que l'actuel leadership de l'UPRONA devrait montrer une autre face, devenir un miroir des jeunes. En modèle, de toute évidence, les conflits d'intérêts au sein de l'UPRONA n'honorent pas ce parti qui a conduit le Burundi à l'indépendance, regrette l'éditorialiste d'Iwachu. Iwachu écrit aussi sur l'effort des travailleurs saisonniers réduits à néant. Des jeunes Burundais qui vont gagner leur vie en Tanzanie sont dépouillés de tous leurs biens, voire tués à leur retour, rapporte notre consoeur d'Iwachu. Regroupés à la zone frontalière Chamazi en province Changuzo, ils sont désespérés, incapables de rentrer chez eux, constate le reporter d'Iwachu, qui donne l'exemple de scolastique de la colline Chamazi, dépouillé de tout son argent par la police tanzanienne de retour au Burundi. Alors que les autorités à la base disent être dépassées, l'administrateur de la commune Gisagara et le gouverneur de la province Changuzo reconnaissent ces bavures et regrettent qu'il n'y ait plus moyen de régler ces questions via l'habitude Ujilani Mwema, traduite littéralement bon voisinage suite à la fermeture des frontières due à la COVID-19. Revue de la presse. Un métier noble à protéger, alerte Burundi Echo. Quelques animateurs de chaînes YouTube ont été reçus au bureau chargé de l'information et de la communication à la présidence de la République lundi 17 mai 2021. À la veille, ils s'étaient plaints de la difficulté d'accéder aux sources d'information et au financement, rapporte cet hebdomadaire. À l'issue de cette rencontre, ambassadeur Willy Nyamitwe les a appelés au respect des textes régissant la presse et a promis d'étendre ce débat avec d'autres médias en ligne, écrit toujours Burundi Echo. Néanmoins, ce journal spécialisé dans les questions socio-économiques trouve que les contenus de certains médias en ligne, surtout les chaînes YouTube, violent de façon flagrante la vie privée des gens et la dignité humaine. En ce sens, il faudra plus d'encadrement pour cette catégorie de médias afin de ne pas dégrader notre noble métier, prévient Burundi Echo. L'ingérence de certains chefs administratifs dans les décisions judiciaires fait partie des cause de violation des droits de l'homme, selon le commissaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, qui cite encore dans les colonnes de l'agence burundaise de presse les responsables administratifs qui emprisonnent, alors qu'ils n'en ont pas la compétence, les chefs policiers qui font des pressions sur les officiers de police et judiciaire, la réticence des procureurs de livrer des billets d'élargissement. La BP rapporte ainsi l'atelier régional d'échange organisé en Ngozi le 18 mai à l'intention des administratifs et les élus du peuple sur leur rôle en matière de promotion et de protection des droits de l'homme au Burundi sous le thème « Ensemble, faisons avancer les droits de l'homme au Burundi ». Le ministre de l'Éducation veut éradiquer le monnayage des points dans les écoles, écrit le journal La Voix de l'enseignant. En effet, rapporte son confrère, lors de la remise des prix aux meilleurs athlètes du championnat scolaire d'athlétisme de la 34e édition, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a fait remarquer que des enseignants font le harcèlement sexuel envers les filles et demandent de l'argent aux garçons et ils facilitent le vol des examens. Tout cela pour arriver à une réussite non méritée et sans effort. L'école n'est pas pour former les escrocs non plus. Elle n'est pas un lieu de désordre où les élèves n'acceptent plus d'être punis. Un comportement à éradiquer, martèle le ministre dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation et conseille aux meilleurs athlètes de tout faire pour être aussi meilleur dans la réussite des examens au niveau de l'école, de la direction communale de l'enseignement, de la direction provinciale de l'enseignement et enfin au niveau national. Enfin, termine cet hebdomadaire de l'éducation, le syndicat des enseignants du secondaire CONAPES salue et encourage la volonté du ministre pourvu qu'il n'y ait pas de couverture de certaines autorités scolaires. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana et Eline Nibel Nibigira. Excellent week-end à tous. À la prochaine. Revue de la presse.